Et maintenant, dans le cadre de la programmation transversale année 30 de Radio Panique, Agone Canal Historique a le plaisir de vous convier à passer 1h30 avec le satiriste viennois Karl Kraus. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist, krächzend die Beute, die Raben singen. Immer waren unsere Ce chambardement, qui laisse abasourdi même celui qui n'est pas partie prenante, dans la mesure où, du jour au lendemain, il a transformé les valets les plus aptes à trouver un emploi dans une entreprise civilisatrice en adorateurs du feu et en zélateurs d'un mythe du sang, si bien qu'on a désormais du mal à les reconnaître. Ce bouleversement, produit par des idées, aussi simples que l'œuf de Colomb avant la découverte de l'Amérique, quand il est en plus entretenu par une débauche de symboles, de drapeaux et de feux d'artifice, telle que l'évolution n'en a encore jamais connue ni soupçonnée, sans compter l'hypertrophie des clichés dans les discours et la presse, que les terres et les usines à papier accompagnent jusqu'à la limite de leur capacité. Le voilà qui progresse telle une commotion endémique à laquelle rien de ce qui a encore souffle ne semble pouvoir résister, et devant laquelle celui qui s'en détourne a soudain l'impression de manquer de tact, comme quelqu'un qui n'ôterait pas son chapeau à l'enterrement de l'humanité. Donc voilà, ben on va commencer par dire un peu qui était Karl Kraus. Comment tu le définirais, toi ? Je le définirais d'abord comme un rentier, ses rentes lui ont permis d'occuper une position tout à fait particulière dans le champ intellectuel viennois et dans un contexte de désintégration de l'empire austro-hongrois où énormément de frontières sont apparues, où les gens ne savaient pas trop où se positionner. Donc il a une trajectoire un peu erratique à ce niveau-là, mais finalement il a décidé d'être contre tout le monde, seul contre tous. Ce qui fait de moi la malédiction de la société à la lisière de laquelle je vis, c'est la soudaineté avec laquelle des réputations, des caractères, des cerveaux se dévoilent à moi sans que je doive les démasquer. Naissance de Karl Kraus le 28 avril 1874 à Gissin en Bohême, 9e enfant de Jacob Kraus, commerçant et industriel, et d'Ernestine, née Cantor, fille du médecin Ignace Cantor. Des années durant, tel ploie sous sa portée, jusqu'à ce que je l'en décharge inopinément. Je me laisse leurrer aussi longtemps que je veux. Percer les êtres n'est pas mon affaire, et je ne m'y emploie absolument pas. Mais un beau jour, le voisin se tape sur le front, sait qui il est et me hait. Ce faisant, il a révélé toutes les contradictions du système politique et culturel. Et bon, ça a surtout été un observateur très énervé de la dégradation de la presse saisie par le capital. Et se substituant en matière d'écrit à la littérature classique, dont c'est un grand lecteur, Goethe, Shakespeare, et finalement la création de cet univers d'écrit, d'univers mental dans lequel on n'a jamais cessé de baigner, nous particulièrement, qui ne sommes pas des très grands lettrés, à la différence de Karl Kraus. 1877, installation de la famille Kraus à Vienne. 1891, la première pièce de Kraus est jouée à Baden. Il a 17 ans. On dit que je serai intolérant. C'est le contraire. Je peux commercer avec les gens les plus plats, sans le sentir. Je suis à tout moment tellement occupé avec moi-même qu'aucune conversation ne saurait avoir prise sur moi. La sociabilité, pour la plupart, est un grand bain où il plonge tête la première. À moi, elle m'humecte à peine le pied. nulle anecdote, nul souvenir de voyage, nul trésor de la cassette du savoir, bref, rien de ce que les gens considèrent comme le sel même de la conversation ne saurait me distraire dans mon activité intérieure. 1892, publication de critiques littéraires et théâtrales. 1893, études de droit. 1894, études de philosophie et de germanistique. Soirée de lecture publique en Allemagne. Il s'inscrit dans un paysage viennois assez particulier. En fait, c'est que c'est une grande capitale qui a perdu son pays. Un peu, on a l'impression Vienne. Non, t'as pas ça. Oui, c'est ça. Et où cohabitent des gens dont l'identité nationale est très floue, puisque c'est un empire multi-ethnique, multi-confessionnel, comme l'était l'Empire ottoman. Donc des endroits de très grande diversité sociale et où ça se passait bien jusqu'à ce que les nationalismes s'en emparent et commencent à faire apparaître des frontières nationales entre les gens, et particulièrement au tournant de la guerre mondiale, l'empire explose et les gens doivent choisir leur camp. Et beaucoup ne savent pas quel camp choisir. Et dans le cas de Karl Kraus, il était antisioniste dès le début, parce qu'il disait que c'était incompatible avec la lutte des classes, finalement, et que cette unification juive que voulait Theodor Herzl, c'était un obstacle au vrai combat, qui était le combat de classe et des ouvriers contre les bourgeois, quoi, grosso modo. Il me serait aisé de me montrer prévenant à l'égard de ceux qui doivent toujours être stimulés pour qu'ils s'entretiennent. Quelque inculte que je sois, et aussi vrai que je suis moins versé qu'un nouveau-né en astronomie, contrepoint et bouddhisme, je serais capable néanmoins, par des questions adroitement glissées, de simuler un intérêt et de témoigner de cette compétence de surface qui réjouit l'épi de science plus qu'une érudition qui pourrait les couvrir de confusion. Mais moi, qui de ma vie n'est encore fait d'avance à des besoins que je n'aurais reconnus propices à l'esprit, je me découvre, en pareille circonstance, un rustre accompli. Et non pas un rustre qui bâille, ce qui serait humain, mais un rustre qui pense, négligeant, pour comble, de faire profiter de mes propres trésors l'indigent qui souffre le supplice de Tantale face à ses fruits de lecture et doit mourir de faim dans les greniers à grains de savoir d'Égypte. 1896, publication de l'essai satirique La littérature démolie. Mais en fait, c'est une position relativement classique d'un rentier qui est un mauvais petit canard hein, de la famille bourgeoise qui, par exemple, a eu accès aux lettres alors que son père est un industriel, un commerçant. On a beaucoup de cas comme ça. Flaubert en est un, par exemple. Manet en est un aussi. Et c'est des gens qui sont en rupture de classe, mais en disposant des rentes que n'ont pas le... qui font tout à fait partie de leur classe, mais ce qu'ils aiment c'est foutre le bordel, quoi. Donc ils sont satiristes, artistes, ils aiment les transgressions et ils peuvent les faire parce que ils doivent pas gagner leur vie, donc ça les condamne pas à la ruine, parce que la plupart des gens qui font ça, évidemment, ils sont ruinés très rapidement, ils sont grillés partout, tandis que lui, il a pu tenir pendant 35 ans avec son journal qu'il écrivait tout seul, Die Fackel, le flambeau, et il tapait. Ça devait pas être une vie très facile, mais en même temps, ça correspondait manifestement à sa nature et à ses contradictions. Le cœur dur comme pierre, je tire même des plaisanteries plus mauvaises qu'elles ne me viennent, et ne trahis rien de ce que j'inscris comme ça, entre deux gorgées de café, dans mon calepin. Une fois, dans un moment où je ne serai pas sur mes gardes, lorsqu'il ne me viendra rien à l'esprit, justement, et qu'il y aura danger que la sociabilité fasse irruption dans mon cerveau, je me tirerai une balle. 1898, Kraus quitte l'université avant d'avoir terminé son doctorat. Donc au lieu de s'aigrir, comme beaucoup de gens qui font des études parce qu'ils ne sont jamais recrutés et qu'on finit par leur dire que c'est des ratés, bah, il a fait... Il est passé dans, d'une certaine façon, la bohème, et il a fait le travail tout seul, sans consécration académique, quoi. Il n'avait pas besoin d'être entouré de profs pour oser écrire, et pour taper sur les profs, c'est encore mieux. Première parution en avril 1899 de la revue Die Fackel, qui signifie « le flambeau », dans laquelle Kraus promet non pas un retentissant « que faisons-nous ?», mais un honnête « qu'allons-nous tuer ?». La parution de Die Fackel, sous un format variable, durera 37 ans. Et alors, c'est un énorme succès, quoi. C'est 50 000 exemplaires, plus c'est à couverture rouge, c'est vendu dans les kiosques à journaux, enfin, c'est un énorme événement. Et alors, c'est son père qui a avancé l'argent du tirage. Et en fait, la revue, à l'issue du premier numéro, est autofinancée. C'est une forme d'avant-garde qui avait un public à l'époque. Bon, c'est pas Baudelaire, quoi. Die Klänge erheben sich während des folgenden Kantons zu furchtbarer Musik. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krächzend die Beute. Die Raben singen. Immer waren unsere Nahrung die hier, die Ehre starben. Il organise ses premières soirées de lecture publique en Allemagne. Alors, les soirées de lecture, il y en a beaucoup de témoignages, il en a fait beaucoup dans sa vie, il s'est arrêté tard. Peu avant sa mort, il fait encore des soirées où il déclamait des textes, pas seulement ses textes à lui. Des textes de littérature germanique, classique, ou de Shakespeare. Il était très, très branché sur la littérature classique, et des fois des textes à lui. Je sais pas si tu as des détails sur... Il dit, je suis peut-être le premier exemple de l'écrivain qui vit son écriture en même temps comme un acteur. Et c'était une sorte de performeur, quoi, qui remplissait des salles... qui se mettait en scène et qui vivait vraiment ses textes comme un acteur. Et c'est sans doute aussi parce qu'il détestait les metteurs en scène de la place, qui d'abord jouaient pas les bonnes pièces selon lui, mais celles que la presse voulait bien soutenir, et qui prennent le texte d'un auteur et qui en font absolument n'importe quoi. Donc il défendait lui-même ses textes. Il a prévu quand même pas mal de choses qui allaient se passer. Enfin, il a pris position contre la guerre, en prévoyant que ce serait une boucherie. Ça a été une boucherie. Et il a senti venir le deuxième conflit avant tout le monde, quoi, quelque part. Et ce qu'était le nazisme, en fait. Oui, mais il voyait ça à travers la presse, hein. Parce que ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est son analyse. Que toutes ces choses-là sont possibles parce qu'elles sont cachées, mais d'une façon assez subtile. Comme ce sont des réalités avec lesquelles les gens ordinaires pris dans la vie ordinaire et les difficultés ne peuvent pas vivre en la regardant, parce qu'en plus ils se sentent impuissants à défaut qu'il y ait des gens lucides et qui aient la capacité à organiser sur des bases rationnelles, je dirais. Les choses sont présentes dans la presse, mais de façon euphémisée, et il analyse toute une transformation du langage. On passe d'un langage où des auteurs essayaient de trouver la façon la plus juste de dire la vérité la plus brute à comment dire la vérité, mais sous une forme euphémisée qui fait qu'on ne peut pas qu'on ne l'a pas sous les yeux en ouvrant le journal, quoi, qu'on ne l'a qu'en faisant une lecture critique du journal. Et ça fait beaucoup réfléchir sur les débuts de la propagande, finalement, et qui est faire baigner tout le monde dans un type de langage un peu orwellien, qui est un langage qui neutralise la pensée, en fait. Tu saurais choper le coussin noir qui est sous ta veste ? Tu poses là ? Parce qu'on a beaucoup de réflexions. Fais voir un peu. Oui. Oui, c'est mieux. On a beaucoup de réflexions, mieux vaut que pas en avoir assez. Oui, mais quand on réfléchit, on n'est pas forcément compréhensible. C'est vrai. 1900. Krauss quitte la communauté juive de Vienne et se déclare sans confession. 1903. Après des polémiques d'ordre plutôt politique, comme celle à propos de l'affaire Dreyfus, Die Fackel publie plus de littérature, des traductions d'Auguste Strindberg et d'Oscar Wilde notamment. Oui, alors là, il a totalement déconné, manifestement, sur l'affaire Dreyfus. C'est l'importation d'un conflit français, qui est un conflit de déconfessionnalisation, en fait, hein, et transclasse. Importé en Autriche par des philosémites et lui par anti-philosémitisme, disons. il attaque ces gens-là et il dit, comme les anti-Dreyfusards en France réactionnaires, il dit c'est un bourgeois et c'est un militaire, point à la ligne, quoi. Et il attaque les défenseurs de Dreyfus, et en français c'est publié carrément dans l'Action française. Enfin, c'est pas lui qui demande à ce que ce soit publié dans l'Action française, mais l'Action française s'en saisit pour sa propagande. Ce qui n'est pas très glorieux, effectivement. Et donc, on comprend que, dans le même temps, il a quitté la communauté juive. Une chose éclaire l'autre. 1905. Die Fackel prend position en faveur de Freud. Krauss organise la première représentation de la pièce « La boîte de Pandore » de Frank Witkin, dans laquelle il tient lui-même un rôle. Donc il est pour l'amour libre, et il est pour la prostitution, enfin contre l'hypocrisie, contre la prostitution. Et bon, ça c'est très anti-bourgeois aussi. 1909. Premier recueil d'aphorismes dit et contredit. 1910. Conférence à travers l'Europe. Die Fackel, proche des milieux expressionnistes, soutient la musique de Schoenberg. Moi, je connais rien en musique, mais ce que j'ai lu, c'est... En fait, ce sont des mouvements d'avant-garde qui se rencontrent. Donc, bon, ceux qui ont cette oreille et cet œil comparent beaucoup l'écriture de Krauss à certaines formes musicales de l'époque. Mmh. Il est aussi ami avec l'architecte Loos. Donc l'architecte moderniste, tendance Bauhaus, et il n'aime pas la fioriture, les flonflons, etc. Et par contre, il mélange les choses. Et bon, ces gens-là s'appuient, manifestement se comprennent ce qu'ils font, alors qu'ils sont relativement seuls, et se soutiennent sous trois formes différentes. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi que c'est Schoenberg plutôt que Wagner. Dans le même temps, c'est un grand admirateur aussi d'Offenbach. Et Offenbach, c'est Offenbach contre Strauss, quoi. Il y a toujours un peu une façon de prendre parti sur des dilemmes. Et souvent, en fait, c'est beaucoup contre la culture allemande, en fait, qui prend parti. Oui, et puis contre le facile populiste, quoi. Ouais. Donc bon, le grand succès pour la presse, évidemment, c'est Strauss, ça remplit les salles, voilà. Ouais. C'est l'auteur de Bambi aussi. Enfin, bon, c'est des choses comme ça qui embrouillent un peu les cerveaux, quoi. Qui sont peuvent être divertissantes, mais éduquent pas les gens à la musique. Et en fait, leur font un produit blanc, quoi, comme au Lidl. Krauss se convertit au catholicisme. 1912. parution d'un second recueil d'aphorismes, Pro Domo et Mundo. 1914. Krause milite contre le conflit qui s'annonce, fustigeant particulièrement la presse belliciste. Die Fackel cesse de paraître jusqu'à la déclaration de guerre. La revue est alors plusieurs fois saisie. C'est sûr que pendant la guerre, c'est un petit peu difficile de s'en prendre à l'armée. La liberté d'expression étant totalement suspendue. Mais bon, c'est le moment où il accumule toutes les bêtises qu'on lit dans les journaux et qui donneront les derniers jours de l'humanité. Donc, une énorme pièce de 800 pages dont il dit qu'elle a été écrite à partir seulement de choses lues, vues et entendues. Et qui quand elle sera enfin éditée, a pour but de rappeler aux gens qui l'ont déjà oublié 3 ans plus tard ce qu'est une guerre. Ce qu'est une guerre, le torrent de mensonges, etc. Et pour lui, bon, c'est un effet de loupe total sur ce qu'est la presse de son époque. Comme complice, rendant la guerre possible par les clichés et les mensonges, les demi-mensonges qu'ils injectent dans le cerveau des gens, qui servent ensuite aux gens dans leurs petites discussions, au café, etc. Pour ceux qui sont à l'arrière, bien évidemment. Et qui fait que, voilà, il y a un voile total de la réalité dont tous les gens qui sont un petit peu à l'aise sont complices parce qu'ils en sont eux-mêmes le média, quoi. Mais enfin, qu'est-ce que vous mettiez dans les livres quand vous produisiez des livres chez Agon? C'est pas du sperme de ce polo. Donc, Karl Kraus, Les derniers jours de l'humanité, acte 1, scène 5. Je dis simplement, mauvaise récolte en Italie, récolte compromise en Angleterre, sombre pronostic de récolte en Russie. Préoccupation quant à la récolte en France. Et que dites-vous des cours, hein ? Que voulez-vous que j'en dise ? La chute du rouble est assez parlante. Mon Dieu ! Si on le compare par exemple à notre couronne... La lire aussi est lamentable. En baisse de 30%. La couronne, par bonheur, seulement du double. Chez les autres, partout règne le découragement. Ils seraient contents que ce soit fini. Et chez nous ? Ça m'a frappé, moi aussi. Par exemple, en France, le découragement... Lassitude en Angleterre. Désespoir en Russie. Accablement en Italie. L'ambiance au sein de l'entente, de façon générale. La muraille s'effrite. Poincaré est rongé d'inquiétude. Grès, morose. Le tsar se morfond dans son lit. Londres, Paris et Rome dans le doute. Il suffit de regarder les titres. Pas besoin d'en lire davantage. Puisqu'on sait déjà à quoi s'en tenir. On voit combien ça va mal pour eux et bien pour nous. Chez nous aussi, il y a de l'ambiance, mais Dieu merci, d'un autre genre. Oh, chez nous règne joie, optimisme, enthousiasme, espoir, satisfaction. Nous sommes toujours de bonne humeur. Pourquoi pas ? On a bien raison. Tenir bon, par exemple. Voilà ce qui nous passionne. Personne, nulle part, ne s'y prend aussi bien que nous. Le Viennois, en particulier, est ultra doué pour tenir bon. Chez nous, les gens supportent toutes les privations comme si c'était un vrai plaisir. Les privations ? Quelles privations ? Je veux dire, si tant est qu'il y ait des privations. Mais par bonheur, il n'y en a pas. Très juste, il n'y en a pas. Mais dites, si on est privé de rien, pourquoi faut-il tenir bon ? Je peux vous l'expliquer. Il n'y a effectivement pas de privation, mais on les supporte aisément. C'est tout l'art. Depuis toujours, on sait s'y prendre. Précisément. Faire la queue, c'est une partie de plaisir. Les gens font même la queue rien que pour ça. La seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant, c'est la guerre. Alors, si ce n'était pas la guerre, on pourrait franchement croire que c'est la paix, mais la guerre, c'est la guerre, et on est tenu à certaines choses qu'avant, on aurait seulement voulu. 1917. Voyage en Suisse. 1918. À la suite d'une lecture publique, Krause est poursuivi pour pacifisme. 1919. Parution d'essais pacifistes, puis du texte intégral « Les derniers jours de l'humanité ». Karl Kraus, Les derniers jours de l'humanité, acte 3, scène 13. La scène se passe dans une usine réquisitionnée par l'armée. Le directeur militaire, c'est toi ça. Le directeur militaire. Ligoté, des coups de bâton, les arrêts, et aller bon pour le service, quoi. On n'a rien de plus. Non, c'est toi qui dis, c'est le directeur militaire. Ah oui, tout à fait, l'industriel, exact. Reprenons. Le directeur militaire. Ligoté, des coups de bâton, les arrêts, et allez, bon pour le service, quoi. On n'a rien de plus. Il n'y a rien d'autre, on n'y peut rien. L'industriel, au bras duquel pend un fouet à chien. Tant que c'est possible, j'essaie la douceur, montrant le fouet. Mais comment s'en sortir si ces chiens de syndicalistes n'arrêtent pas leurs provocations? Débat sur la situation des travailleurs, problème d'alimentation. Comment tenir bon, nous autres, dans ces conditions? Statut juridique et conditions de travail. Refonte du droit du travail en temps de guerre. Le directeur militaire. Je connais la chanson. Bon pour le service, et si possible, messieurs les députés, avec. De toute façon, on a extirpé tout ce qu'on pouvait de la loi sur les réquisitions et de la loi sur la réserve de l'armée. On n'a aucun reproche à se faire. Le plus beau, ça a été en août 14, avec les forgerons et les mécaniciens. Le matin, ils gagnaient 6 couronnes au travail, à la pièce. À midi, ils passaient le conseil de révision. On leur a gentiment appris qu'ils étaient devenus soldats. Et l'après-midi, ils faisaient gentiment le même travail au même poste pour leur solde de nouvelles recrues. Aucun n'a moufté. Moi, je dis, au fond, le conseil de révision est superflu. L'industriel. Oh oh ! Le directeur militaire. À mon sens, on aurait dû faire partout comme chez nous. À Klosterneuburg, au dépôt du régiment de train. Je leur ai dit tout simplement. À partir de maintenant, vous êtes recruté pour le service civil. Et vous ne toucherez plus que la solde. L'industriel. Ah, d'accord. Directeur militaire. Un jour, ils se sont plaints. Impolitesse ou quelque chose comme ça. Je les ai convoqués au rapport et leur ai demandé qui les avait informés. Le gars répond. Nous sommes des ouvriers syndiqués, et nous nous sommes adressés à nos organisations et ils nous ont renvoyés vers deux députés. Bon, je dis. Je vais faire venir ces messieurs, ils vont se mettre à vos côtés et travailler au lieu de vous exciter. Industriel. Moi, un jour, ils se sont plaints auprès du syndicat pour mauvais traitements et paye insuffisante. Écoutez, 38 à 60 centimes de l'heure. Bon, j'ai fait venir un des meneurs et je lui ai dit « Vous vous êtes plaint, mais le fouet est toujours là !» Et je lui montre mon bras. Le gars dit « Nous ne sommes pas des chiens !» Bon, alors je lui montre mon étui à revolver et je lui dis « Et pour vous, en plus, j'ai un revolver !» Alors, il a parlé de dignité humaine ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce gars est quand même arrivé à faire dire au bureau des doléances que les salaires étaient insuffisants. Le directeur militaire. Oh, celui-là, il a été immédiatement... L'industriel, oui, bien sûr, il a été incorporé sur le champ. Votre prédécesseur était très coulant sur la question. Un gars qui s'est plaint, lui aussi, d'un salaire trop bas, je l'ai fouetté, votre prédécesseur, pour ça, il l'a collé 3 semaines aux arrêts. Le directeur militaire. L'entrepreneur, de nos jours, n'est pas totalement dépourvu de protection. Maintenant, les contremaîtres veillent au grain, eux aussi. Ils foutent pas mal de baffes. Pour les arrêts, j'avais prévu 6 heures au fer tous les jours. Et quand on les ramène du travail, baïonnette au canon, à travers les rues, ça fait un bel exemple. Pas de douche avant, on leur tond les cheveux même. On leur tond les cheveux même si on n'est cop que de 24 heures. On retient les frais de pension sur le salaire. Ne serait-ce que d'aller de Floridsdorf à la Josefstadt au rapport, ils perdent une demi-journée de salaire. Sans compter le manque à gagner quand ils sont aux arrêts et ce genre de plaisanterie. Et le plus important... Même si ça ne s'applique qu'aux cas les plus graves, c'est l'incorporation. Là, pas un de ces messieurs n'a eu à se plaindre. Écoutez, je n'ai rien dit, moi. Je suis connu pour ne venir embêter les autorités militaires qu'en cas d'extrême urgence. Je préfère m'en remettre à moi-même, moi. Moi, je dis, tant que ça peut se passer en douceur, ils montrent le fouet à chien. Hop, voilà. Bon, alors, évidemment, faudrait arriver à expliquer le contexte, quoi. Ou alors, faut changer le contexte. Par exemple, ça pourrait se passer... Si ça se passait aujourd'hui, l'industriel, par exemple, il dialoguerait avec qui dans ton adaptation? Le lobbyiste de l'industrie dialoguerait avec un eurocrate, un fonctionnaire de la Commission européenne ou un socialiste vendu. Bon, ok, essayons. Il a l'embarras du choix. 1920. Soirée de lecture de Kraus en Allemagne, interrompue par des pans germanistes. Vous écoutez Radio Panique, la programmation transversale années 30. Karl Kraus avec nous. Oui, mais disons que la communauté pan germaniste, c'est pas vraiment une communauté qui était faite pour lui non plus. Surtout en tant que juif, malgré tout. Bourgeois libéral aussi. Bon, donc là, il n'y a pas trop de... Et puis, anti-autrichien aussi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né dans un empire multiculturel, multiconfessionnel, n'a jamais été un nationaliste autrichien, quoi. Mm-hmm. Et pour beaucoup de gens, ça n'avait aucun sens, quoi. Et ça n'en avait tellement pas que pour les ponts germanistes, il fallait être allemand, carrément. Donc, bon. Donc il était ni nationaliste autrichien, ni pan-germaniste, il était viennois. Il était un peu belge, hein. Parce que quand on est de langue allemande, de littérature allemande, les centres de reconnaissance, même s'ils n'ont pas la portée de Paris pour la zone francophone, parce que c'est pas un état très unifié en Allemagne, les centres de reconnaissance sont là. Donc si on est autrichien, petit bourgeois avec des ambitions, on essaie d'aller se faire reconnaître à Berlin. Et donc on va lécher des babouches, des mauvais littérateurs allemands, comme il y a des Belges qui font le choix d'aller à Paris et puis ensuite de dénigrer la littérature francophone de leur pays, en gommant dans leur travail tout belgicisme et toute même référence géographique à la Belgique. Ben, les Autrichiens ont beaucoup fait ça, les petits auteurs ratés, hein, qui cherchent la reconnaissance avant tout, ont beaucoup fait ça, et ils sont devenus anti-autrichiens, quoi, disons, parce qu'ils étaient élevés, ils étaient à Berlin, hein, où ils regardaient vers Berlin. Différentes polémiques avec des journalistes et des membres du milieu littéraire viennois, ainsi qu'avec le préfet de police de Vienne, Johann Schober, qui avait fait ouvrir le feu sur la foule lors de l'émeute du 15 juillet 1927, provoquant la mort de 80 personnes. Donc je sais pas, t'as peut-être des détails sur le préfet de police, Johann Schober. Bah, c'est une de ces grosses têtes de Turc. Mais en même temps, Kroos a aussi une forme de courage physique, parce que tout est censuré de ce massacre, bien évidemment. Il est interdit d'en parler dans la presse et de le dénoncer. Et donc, lui, il fait une affiche qui dénonce ce massacre, et c'est une attaque personnelle contre le préfet de police. Donc, je sais plus exactement le texte, assez court, et il y a écrit « Signé Karl Kraus ». Et puis, il va la coller sur les murs de Vienne lui-même, quoi. Il s'intéressait beaucoup aux affiches, et il en faisait. Elle est annoncée. Schlachtfelder Rundfahrten im Auto, veranstaltet durch die Basler Nachrichten. Reklamefahrten vom 25. September bis 25. Oktober zum ermäßigten Preis von 117 Franken. Unvergesslich Eindrücke, keine Passformalitäten. Anmeldung bei uns und Ausfüllung eines Fragebogens genügt. Als Herbstfahrt besonders für Sie. 600 Kilometer Bahnfahrt, zweite Klasse, ganze Stadt. Aufgabe der Politik, kann es nun nicht sein, deshalb die Getrennten zu organisieren und sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen. 1932. Kroos rompt avec la social-démocratie autrichienne, notamment sur la question de la stratégie à adopter face à la montée du nazisme. 1933. Kroos publie la traduction de sonnets de Shakespeare et commence la rédaction de la troisième nuit de Walpurgis, texte qui analyse l'arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne et ses conséquences sur l'Autriche. Il faut quand même toujours rappeler que quand Hitler est arrivé au pouvoir, les sociodémocrates ont refusé de déclarer la grève générale et de bloquer les institutions. Oui, bah c'est le charme discret des sociodémocrates. Hein. Ils ont aussi laissé la Troïka faire son travail. Ils ont laissé la Commission européenne s'emparer du pouvoir en Europe, détruire les acquis qui ne sont pas ceux de la social-démocratie, mais des luttes ouvrières, ce qui est deux choses tout à fait différentes. Et ils leur reprochent effectivement d'être des gens bourgeois et ne comprenant pas les difficultés populaires, donc étant toujours prêt à les sacrifier dans un compromis merdeux, quoi, donc, qui bénéficie évidemment au patronat. Et il y a une scène dans la troisième nuit de Walpurgis où il dit qu'est-ce qu'un social-démocrate, en gros, bah c'est un type qui va dans un grand café de Vienne, etc. Et il commande une première fois une bière, et elle n'arrive pas, une deuxième fois une bière, elle n'arrive pas, une troisième fois une bière, elle n'arrive pas. C'est en fait que même le garçon ne le croit pas quand il commande une bière. C'est un très beau texte, très très drôle. Donc enfin, sous-entendu, pour lutter contre un patronat organisé, faut pas compter sur un social-démocrate, parce que il va se coucher directement, quoi. Enfin, comme l'a fait le premier ministre grec il y a quelques années, comme le fait François Hollande plusieurs fois par jour. Dirupo, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'actualité récente. Mais Dirupo n'a pas les pleins pouvoirs, hein. À la différence de Hollande. Le numéro 888 de Die Fackel paraît en octobre 1933. Au grand désappointement des lecteurs qui s'attendaient à y trouver une condamnation des nazis au pouvoir, il ne contient qu'un discours prononcé par Karl Kraus sur la tombe d'Adolf Loos, mort en août de la même année, et un poème de Die Wehr. Oui, bah disons que dans la troisième nuit de Walpurgis, qui sera publié intégralement longtemps après sa mort, longtemps après la guerre, bah, il dit que c'est ce qui se passe, le satiriste reste sans voix, c'est-à-dire que on ne peut plus critiquer comme il le fait la presse, parce qu'elle est devenue, elle a atteint un point de où elle est devenue elle-même sa propre satire, et qu'on est arrivé à un stade où on ne peut plus rien faire contre ce langage qui a pris le contrôle des esprits. Et bon, on ne peut plus faire une brèche là-dedans, d'autant plus qu'on sera éliminé physiquement si on le tente même. Quoi. Il existe un mystérieux accord entre les choses qui sont et leurs dénégateurs. Elles produisent la satire en autarcie. Et la matière adopte si bien la forme que j'étais autrefois obligé de lui choisir pour la rendre transmissible, crédible et pourtant incroyable, que je deviens superflu et n'ai plus aucune idée sur elle. Le cerveau, en effet, ne se réveille pas comme la nation. Il sent bien qu'il est traité en parent pauvre par la nature. Et si l'envie, la plante pour sa force vitale, à qui elle n'a pas refusé le printemps, même en cette année qui n'est pas sainte, il n'est, pour sa part, capable que de penser à ses congénères qui, à la suite de ce réveil, sont obligés de passer le printemps dans des cachots où ils sont torturés. Il est impossible de penser chose plus complexe. On s'adapte. Oui. Telle est bien la malédiction de ce prodige, de ne pas pouvoir exhumer et formuler même la plus simple de toutes les pensées, de telle façon qu'elle forcerait à la pitié la part plus animale de l'humanité. Laquelle ne tue pas, mais est capable de ne pas croire ce qu'elle ne vit pas d'expérience. Car ils peuvent dormir lorsque les esprits se réveillent et que c'est un vrai plaisir de vivre. Sans doute, vu que cette matière aussi impérieuse qu'insaisissable entraîne une incapacité à dormir, le résultat de nuits de travail improductives serait-il suffisamment riche si le silence restait l'expression de la part que j'ai pensé m'assigner pour ce final. Mais même cette expression serait usurpée, car elle ne serait pas grosse de connaissances, mais simplement de l'effroi, face à ce que soudain l'on reconnaît. Vision de rêve angoissé d'une décomposition de la culture, cauchemar en noir, blanc, rouge, fantôme oppressant de papier et de sang, tout cela reprend vie de façon radicalement mortelle. Cette perception d'une démence dans ce qui se nomme projet et le réalise de façon tangible, le regard effrayé braqué sur un espace sans air où un procruste réduit toutes les forces et les faiblesses de l'existence sociale, le déjà-vu de cette fameuse innocence qui persécute, de l'unité de la faute et du mensonge, où le crime devient alibi et l'horreur motif d'honneur. Tu me crois capable de ça ? Demande le criminel qui persécute le témoin pour cause de propagande. Voilà ce qui ôte tout espoir de voir l'entendement se rapprocher du problème. Car s'il n'était pas déjà livré à la folie où se loge l'objet, il serait tenté de toujours ramener ce cas à sa propre folie, qui lui présente peut-être le misérable substitut d'une réalité qui aurait pourtant bien peu de chances d'exister, dans la constellation du grand chien même atteinte de la rage. Ce n'est qu'accompagné de frissons de fièvre que cette objectivité sort des limbes, cette propension à se ruer de l'illusion dans l'action pour la réduire à nouveau de façon mécanique avec l'aide d'un dissimulateur qu'ils appellent Agence de presse Wolf. Ils y parviennent, même s'ils parviennent une fois encore à se retrouver encerclés par un monde hostile qui veut du calme. Et une fois de plus, ce n'est que le cercle vicieux et pernicieux où règne sans partage la fausse causalité qui prend conscience d'elle-même, mais jamais du monde. Ce labyrinthe où des centaures se jaugent à l'aune de la race n'autorise aucune échappatoire à la pensée qui s'y est fourvoyée. Quelle situation serait plus difficile que celle où se trouve le cerveau, confronté aux conditions du moment, même s'il ne venait encore s'y mêler des complications territoriales? Suite à l'interruption de son travail pour la radio, Kroos est assimilé dans le Neue Freie Presse, un journal libéral viennois, au nazisme pour son essai « La littérature démolie ». On le compare à Goebbels et le compte au rang des inspirateurs juifs d'Hitler. Ne devait-il pas être content que les intellectuels juifs qui l'avaient attaqué soient maintenant contraints de fuir l'Allemagne face au nazisme ? Une fois donc que l'on s'est vu contraint, quand je parlais à la radio, de laisser tomber cette émission, donnant ainsi en pleine lutte contre l'ordonnance d'exception un exemple de la façon dont une rédaction libérale, pour sacrifier la liberté d'opinion, préfère obéir à sa propre impulsion. Après ce coup dur donc, j'ai obtenu, moi qui ai l'habitude des ennuis, une réparation inespérée, celle de voir mon action mise en relation avec les visées intellectuelles du national-socialisme. Il s'agit d'une comparaison entre son action dévastatrice dans le domaine de la culture et ma littérature démolie, dont le souvenir a repoussé dans l'ombre mon œuvre satirique des décades suivantes. La comparaison avec le national-socialisme s'est soldée à mon avantage, dans la mesure où ma démolition, par un élan intellectuel sans précédent et une très grande force satirique, se distingue, dit-on, du dilettantisme berlinois dans la destruction de la littérature. Alors qu'elle est pourtant un véritable jeu d'enfant par rapport à ce que j'ai contribué à faire depuis pour donner une orientation à l'écriture. Dire que, dès ses débuts satiriques, je me suis érigé en juge impitoyable dans les choses de l'esprit allemand et de la langue allemande est certainement exagéré si l'on considère tout ce que j'ai énoncé depuis sur une presse faite par des individus qui ne sont arrivés là que parce qu'ils avaient raté tous les autres métiers. Mais c'est justement la raison pour laquelle ils donnent l'avantage à ma littérature démolie, qui, ainsi couverte d'éloges, constitue un alibi pour la génération de plumitifs qu'elle a épargnée. Mes ennemis jurés en ont été ravis, et un expert de la satire comme Monty Jacob a trouvé que depuis cette époque, 35 années durant, je n'avais plus rien à dire. Aujourd'hui, malgré la reconnaissance unanime de cet ouvrage de référence, on croit y déceler quelque chose de commun avec le national-socialisme. Dans la mesure où les individus concernés ont survécu au jugement de la démolition. Reste à savoir quand même si leurs collègues vont aussi survivre au jugement porté à leur endroit durant les années où est paru Die Fackel. Si je suis comparé ici à Goebbels, et à mon avantage, ce qui n'a d'ailleurs rien de très agréable, le même journal, dans un autre article, a considéré mon rapport intellectuel à Hitler sous un angle différent, et par bonheur, je ne m'en sors pas aussi bien. Car on prend ici conscience du noyau dur d'une vie de polémiste en se référant à ce fameux combat contre la presse où j'ai perdu les lauriers de mon travail de jeunesse. Et je me retrouve en combattant de première ligne, mais un combattant récoltant le succès d'une énergie qui n'est pas la sienne. Et ce, dans un éditorial qui cherche à démontrer l'influence des esprits juifs sur Hitler, et qui, après avoir dressé la liste de ses ancêtres spirituels, se termine ainsi. Il ne fait aucun doute que les idées sur le travail obligatoire et le devoir de nourrir les gens avaient été suggérées par Popalinkus. On pourrait faire remonter la liste de ces esprits juifs novateurs jusqu'à Karl Kraus, dont les rêves les plus hardis ont été réalisés par Hitler. Il n'y a plus de journal en Allemagne. Tous les ennemis de Die Fackel ont été éliminés, de Reinhard Acker. Comme il le dit lui-même, ce sont des intellectuels qui doivent leur postérité au fait d'avoir été critiqués par Karl Kraus et au fait d'avoir été exilés par Hitler. Mais on ne les retiendra pas pour leurs œuvres. Il s'attaque à la notion de propagande sur les horreurs qui consistait à dire que les crimes commis par le régime nazi avaient été inventés pour le discréditer. Ce qui permettait tout à la fois de soutenir Hitler pour les atrocités perpétrées, tout en le protégeant, en niant que ces atrocités aient eu lieu. Ceux qui commettent des horreurs n'ont-ils pas admis l'horreur qu'ils photographient et démentent à la fois, comme une conséquence de la propagande? Une conséquence de la propagande. Est-ce qu'on ne rend pas véridique, au moins après coup, ce qui était d'abord présenté comme un mensonge, et qui après coup donne presque du crédit à la propagande faisant état d'horreur au cours de la guerre mondiale? La propagande. Comme si l'on pouvait mentir dans la même mesure que ce qui est vrai, et comme si le mensonge était un reproche que les adeptes systématiques du mensonge pouvaient adresser à d'autres. Quelle vilainie de principe d'utiliser le démenti d'un assassinat, qui n'était rien d'autre que de graves coups et blessures, comme le fondement d'une minoration générale. Et quelle misère d'être prêt à l'accepter comme le fondement de l'apaisement. Parce que cela montrerait à quel point la bonne cause est calomniée quand on prétend que sa victime est morte, alors qu'aux yeux effrayés des témoins oculaires, elle était allongée comme morte. Comme s'il y avait un protocole de la panique, ou même simplement une possibilité d'information sur l'exercice d'une violence qui extorque aux mères et aux épouses le silence de la tombe à laquelle elle a condamné des individus. Le 16 de ce mois, mon cher époux est parti sans bruit. L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité. Suite à un malentendu, mon époux me fut arraché. Les condoléances discrètes sont adressées à... Indicible détresse. L'exagération peut-elle se rapprocher d'une sphère où dire, prendre part et chercher des explications est interdit, et où seule la crainte d'augmenter la peine et de répandre la contagion de cet absurde péril s'oppose à la terreur? Pourrait-il y avoir là où le moindre soupçon d'horreur existe, une action plus morale que la propagande, une fiction plus menteresse et indigne que son reproche? On ne peut pas y croire. Bien entendu, on ne peut pas y croire. Et tout cela a l'air inventé, que le contenu de l'horreur soit simple ou raffiné. Mais il y a des détails, des noms, des lieux, des moments qui accréditent ce qui serait trop simple pour l'invention. On voulait emmener un ouvrier de Haut-Fourneau. Sa femme demande à ce qu'il reste à la maison et qu'on l'interroge sur place. Deux gifles l'étendent sur le carreau. Les enfants arrivent. Un garçon de 11 ans et une fillette de 9 ans. Ils se mettent à pleurer, tombent à genoux en levant les mains implorantes pour qu'on laisse leur père et leur mère. Anessa sort sa matraque et frappe les enfants. Oui, quand on est quand on a passé ces horreurs sous les yeux, donc on n'est pas allemand, quand on est autrichien, bon, ces faits rapportés dépassent déjà suffisamment l'entendement. La façon dont c'est tourné et le doute que ça introduit fait que ça le déréalise. On raconte des faits suffisamment pour faire quand même le travail d'information, mais sous une forme qui déréalise. Et qui fait que les gens ne pensent pas, quoi, ne le sentent pas, comme il dit Cross. C'est pas une question de compréhension, c'est une question de sentir les choses. Et si on ressent un millième de ce qui se passe, on est suffisamment à vif pour réagir et pas pouvoir dormir. On est un peu comme au spectacle d'une opérette ou d'une comédie de boulevard, c'est-à-dire que c'est... Tout ça est un peu une blague parce que on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il y a toujours un espèce de paradoxe qui est planqué là-dedans. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, quoi. Et ça, c'est un peu le style de l'opérette. J'essaie de retrouver le passage où il parle d'un truc assez. Voilà. Il dit « Oui, telle est bien la malédiction de ce prodige de ne pas pouvoir exhumer et formuler même la plus simple de toutes les pensées de cette façon. » De telle façon qu'elle forcerait la pitié, qu'elle forcerait à la pitié la plus animale de l'humanité, laquelle ne tue pas, mais est capable de ne pas croire à ce qu'elle ne vit pas d'expérience. Oui, c'est exactement ça. Et si on regarde la presse d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand on parle de la fameuse crise européenne, en fait, la guerre économique. Il y a peu d'articles qui sont réalistes. J'en ai lu quelques-uns dans Le Soir, là, en arrivant. J'en ai lu un sur l'Italie et un sur le Portugal, qui sont réalistes parce que ça va à la base des choses. Interview d'une cafetière qui dit que les gens n'ont même plus d'argent pour se payer un café de midi dans une cafette italienne et qu'elle ferme. Ça, c'est vraiment la base de la vie quotidienne qui est perturbée. Et ça touche. Là, on comprend. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est abstrait, c'est statistique. Il n'y a pas de chair. Il n'y a pas de personnes humaines derrière ça. Oui, j'avais eu le même effet, enfin j'avais eu le même sentiment en écoutant un reportage d'Angélique Kourounis à propos de la Grèce. Angélique Kourounis, c'est la correspondante radio de Radio France, et elle avait fait un reportage en direct pour le journal de France Culture, journal parlé qui est très court et où on n'a souvent pas du tout le temps de développer quoi que ce soit. Et donc elle était en direct à Athènes et elle était interviewée donc par la personne qui présente le journal qui était à Paris dans un studio bien chauffé. Et Angélique Kourounis disait oui, ben aujourd'hui je peux pas mieux vous décrire la situation. Je suis sortie et j'ai vu sur mon chemin cinq personnes à la rue dans une situation de détresse. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'en voir autant. Et donc elle avait décrit simplement son quotidien, son expérience de Athènes. Et d'une façon extrêmement sensible et émue. Et j'avais été frappé par la réaction de la présentatrice qui était à Paris et qui avait coupé très sèchement son reportage avec un ton de lui dire « Mais enfin, ça, c'est quand même... S'il y a que ça que vous avez à nous raconter sur Athènes, c'est vraiment que vous n'êtes pas une bonne journaliste. » Et on voyait très bien que le métier de journaliste consistait précisément à ne pas parler de sa propre expérience, à ne pas dire « je », à ne pas parler du réel, mais à couvrir les événements. Le mot dit bien ce qu'il dit. Ouais, c'est exactement ce que dit Karl Kraus, qui, par ailleurs, fait exactement ce que fait Chomsky. C'est dans cette presse, il y a aussi des informations qu'il faut aller chercher, qui sont cachées par des titres qui disent le contraire de ce qu'il y a dans l'information, par exemple, et qui citaient correctement, disons, de façon à les faire ressortir alors qu'elles sont publiées de façon à ce qu'on ne les voit pas, disent la vérité, y compris de façon globale. Là, il y avait dans la presse grecque tout récemment des propos soit rapportés de membres éminents de la Troïka qui assassinent le pays, qui exigent maintenant qu'on en finisse avec le moratoire sur les saisies immobilières. Comme tous les gens sont endettés, on va leur prendre leur résidence principale. Et voilà. Et les autorités grecques, évidemment, sentent que ça va peut-être être un petit peu trop. Donc, et d'après le journal rapporte qu'un membre de la Troïka a dit « Mais enfin, vous savez, des SDF, il y en a dans toute l'Europe. Alors, quel est votre problème ?» Ce sera à l'État de les aider avec des soupes populaires. Donc le modèle de société est dit, quoi, dans le journal. Et quand on lit une phrase comme ça, on a évidemment envie de la mettre en gros, effectivement, de la placarder sur les murs. Monsieur un tel de la Commission européenne ou du FMI ou de la Banque centrale a dit ceci, et d'en faire des affiches qu'on collerait dans tout le quartier européen. Par exemple, ce serait une action tout à fait simple, tout à fait kraussienne de... voilà, c'est ça, regardez. Et il parle beaucoup, Kraus, aussi de la... Parce que ce que tu dis, en fait, c'est que face à un journal, il faudrait pouvoir le découper, en faire le remontage soi-même. C'est une... Il y a quelque chose qui est délivré par la presse, qui est une information brute, cachée, déformée, et on peut très bien la recomposer pour essayer de retrouver une perception un peu engagée, un peu cohérente de ce qui est dit, qui ne soit pas guidée uniquement par des considérations de profit. Et il parle beaucoup de la mise en page et de la façon dont la gravité des événements est effacée par la concomitance de l'information avec la publicité. Il parle notamment des donzelles. Alors dans le texte, pour nous, c'est pas très clair ce que sont les donzelles, mais en fait c'est des annonces pour des soirées chaudes dans Vienne, j'imagine. Et comme ça, il dit, voilà, une information efface l'autre, évidemment, la concomitance des deux fait que c'est absolument complètement la gravité des événements est complètement effacée. Et il parle de la même façon de la concomitance des informations politiques et des informations culturelles totalement qui sont mises sur un même plan en fait. On informe de ce qui va se passer au tel festival, puis juste à côté, il y a la prise du pouvoir par Hitler. Ouais, mais son grand ennemi, c'est la publicité. Hein. C'est effectivement, et c'est toujours vrai. Quand vous ouvrez un journal et que sur une information particulièrement dramatique, à côté, vous avez une pub pour une croisière, vous avez une femme à poil, vous avez un truc comme ça, ça détourne l'attention, quoi. Et ça déréalise ces machins sont devenus voilà des sacs à pub avec des articles au milieu quoi éventuellement donc on lit pas l'article on feuillette un magazine de mode voilà et bon maintenant ça atteint des proportions où même l'information et de la pub via des formes esthétiques dans l'un des derniers numéros du supplément du Monde je crois du week-end que truc de mode, il y avait un reportage photographique épouvantable sur le tsunami aux Philippines, avec des photos en noir et blanc, donc des gens en train de crever, fouillant dans des ruines, mais des photos d'un esthétisme incroyable, quoi. Et après, c'était un reportage sur une nouvelle marque de montres de luxe, quoi. Et c'était la même chose, mais le niveau de déréalisation par l'esthétisation d'un drame épouvantable et sans texte, quoi. Il y a des légendes complètement débiles, mais il n'y a aucune réflexion. Et donc, ce qui est présenté comme dans l'information est en fait de la publicité qui, l'esthétisme du malheur des autres, prépare à être réceptif à l'esthétisme de la publicité pour acheter des montres, quoi. Et ça se suit, c'est très très clair, quoi. C'est pensé comme ça, quoi. Oui, le lecteur du journal est traité comme un touriste de la réalité. Quoi. C'est-à-dire, on lui fait faire le tour du monde d'un point de vue esthétique. Quoi, de... Oui, c'est ça. Et puis, toutes les 10 pages, il y a une boutique. C'est ça. Comment pourrait encore exister en vérité ce fameux reste de réceptivité permettant de se représenter des agissements assassins dont le récit est entrecoupé par les promesses d'une donzelle ? Comment imaginer une orgie sanglante, de l'enquenet beuglant et braillant, alors qu'un mot piqué là sert de point de départ à une réhabilitation dans les formes d'un établissement de nuit dont on souligne, et à bon droit, par opposition à une caserne de SA, qu'il ne s'agit pas d'un cabaret de sadiques. Comment ceux qui écoutent ce compte-rendu débridé pourraient-ils faire preuve de pitié, face aux tortures infligées à un vieux rabbin lorsque dans le même temps et sur la même page s'étalent, comme une diversion, les bonheurs d'un jeune directeur général ? Cette conception journalistique d'une humanité qui prostitue le malheur pour le ramener au rang de Kaamelott, et qui de plus ment quand elle dit la vérité, trouve son pendant dans le comportement d'un lectorat qui ne renoue avec l'humanité que lorsqu'il commence à sentir un millième de ce qu'il ne croit pas. Des coups en cas de doute, afin qu'il croie à la violence. Et une telle spécificité trouve son corollaire parfait dans celle des gérants de la culture qui laissent de côté tout ce qui ne les concerne pas de près, pour ne pas mettre leur cause en péril, et qui, quand cela les concerne, ont une attitude passive, attendant que tout se termine quand même bien. Face aux mesures physiques adoptées par une force qui excelle dans le chantage et force à se délester de son honneur, aucune révolte ne semblait effectivement imaginable dans le cadre de ce monde politique. Ni de la part des représentants officiels d'un ordre bourgeois décomposé, ni de la part d'une social-démocratie qui, faible et méprisable dans l'exercice d'un pouvoir, manifeste aujourd'hui une exigence de compassion au cas par cas. L'industrie intellectuelle bourgeoise se berce d'ivresse jusque dans l'effondrement lorsqu'elle accorde plus de place dans les journaux à ses pertes spécifiques qu'aux martyrs des anonymes, aux souffrances du monde ouvrier, dont la valeur d'existence se prouve de façon indestructible dans la lutte et l'entraide. À côté d'une industrie qui remplace la solidarité par la sensation, et qui, aussi vrai que la propagande sur les horreurs est une propagande de la vérité, est encore capable de mentir avec elle. Le journalisme, qui juge mal de la place à accorder aux phénomènes de la vie, ne se doute pas que l'existence privée, comme victime de la violence, est plus près de l'esprit que tous les déboires du négoce intellectuel. Et surtout cet univers calamiteux, qui occupe désormais tout l'horizon de notre journalisme culturel jusqu'à héroïser des théâtres magouilleurs, jusqu'à se livrer à une analyse en profondeur de la psyché des bailleurs de fonds, Le journal de 6 heures lutte pour la libération de l'Autriche. Mais sait-on ce que fera Preminger en automne? Alors qu'on est sur le point d'être avalé par un dragon, on se pose la question de savoir si le festival de Pallenberg sera parfait. Et entre la Kammerspiel de la torture se dresse la figure de Robitschek. Si Reinhardt, cet imperturbable fétichiste des Lumières, éblouit et anesthésie plus bruyamment que jamais, si autour de la charlatanerie de quelqu'un qui n'a rien à dire, les murmures sur le génie du Führer deviennent de plus en plus ardents, c'est peut-être qu'il y a un besoin pressant de trouver un ersatz pour ce que la foi arienne a trouvé dans la mise en scène de Hitler. Lorsque le monde, qui se souvient des massacres des Arméniens, auxquels il pouvait s'opposer, prend ombrage des tortures dont l'élucubration a demandé beaucoup plus d'imagination qu'il serait nécessaire à leur invention, on entend ces mots. Croyez-nous, cela nous fait mal à tous de voir à quel point nos mesures sont parfois en but à l'incompréhension. Ils ne veulent pas dire ça, mais toujours autre chose. Ils ont l'impression d'être violés quand on les croit capables d'actions qu'ils commettent. Ils ont alors pour habitude d'accoler « prétendu » à ces actions, formule brève, mais bonne, quand on a décidé de ne pas se laisser entraîner sur ce terrain, en relation avec le caractère inattaquable d'une morale d'État qui se fonde sur le caractère aléatoire de ce qui n'est pas arrivé. Pour libérer une fonction et la donner à quelqu'un de non qualifié, des pickpockets accusent le fonctionnaire de cupidité et, préférant à une procédure légale le transfert dans un camp de concentration, on assoit le soupçon qu'il était, tout comme dans sa fonction, capable de n'importe quoi. C'est ainsi que le prétendu devient réel et le réel prétendu. C'est ça, le grand départ vers un nouveau type de civilisation dont les littérateurs fournissent le concept, à savoir que le meurtrier, s'il ment par-dessus le marché, n'a pas tué et que la lâcheté du meurtre lui donne une aura de héros. Tel est le camouflage de principe qui s'effectue avec ce petit mot « prétendu » que nous voyons surgir dans tous les commentaires sur ce qui s'est passé. Il y a des horreurs qui sont commises et dont l'odeur monte jusqu'au ciel. Le monde le sait, bien sûr, depuis longtemps, et supporte un tel savoir. Mais il jouit aussi manifestement du spectacle, d'une endurance morale qui lui offre aujourd'hui encore de prétendues horreurs sans se voir signifier « Stop, dehors, quittez cette planète !» Thank you. écouté Radio Panique, la programmation transversale années 30. Karl Kraus avec nous. Je dis simplement, récession en Italie, survie compromise en Grèce, sombre pronostic à Chypre, préoccupation quant au AAA en France, et que dites-vous de la dette, hein? Que voulez-vous que j'en dise? L'effondrement du Portugal est assez parlant. Mon Dieu! Si on le compare par exemple aux excédents de l'Allemagne... L'Espagne aussi est dans un état lamentable avec toutes les saisies immobilières. Les profits par contre explosent. Chez les assistés, partout, règne le découragement. Ils seraient contents que ce soit fini et que le drapeau à 12 étoiles soit hissé sur les bureaux d'aide sociale. Ça m'a frappé moi aussi. Par exemple en France, le découragement... Délation en Angleterre. Désespoir en Grèce. Accablement en Italie. L'ambiance au sein des partis de gauche de façon générale. L'indignation s'effrite. Mélenchon rongé d'inquiétude. Syriza en plein n'importe quoi. Les altermondialeux se morfondent dans leur lit. Madrid, Paris et Rome dans le doute. Il suffit de regarder les titres. Pas besoin d'en lire davantage, puisqu'on sait déjà à quoi s'en tenir. On voit combien ça va mal pour eux. Et bien pour l'Europe. À la Banque Centrale Européenne aussi, il y a de l'ambiance. Mais Dieu merci, d'un autre genre. À la Commission règne la joie, l'optimisme, l'enthousiasme, espoir, satisfaction. Nous sommes toujours de bonne humeur. Pourquoi pas? On a bien raison. Tenir bon, par exemple. Voilà ce qui nous passionne. Personne nulle part ne s'y prend aussi bien que depuis Pinochet. Le socialiste europhile en particulier est ultra doué pour tenir bon. Chez nous, les gens supportent le chômage, comme si c'était un vrai plaisir. Le chômage? Quel chômage? Je veux dire, si tant est qu'il y ait du chômage. Mais par bonheur, il n'y en a pas. Très juste! Il n'y en a pas. Mais dites, si on est privé de rien, pourquoi faut-il tenir bon? Je peux vous l'expliquer. Il n'y a effectivement pas de chômage, mais on le supporte aisément. C'est tout l'art. Depuis toujours, on sait s'y prendre. Précisément! Faire la queue au bureau de chômage, c'est une partie de plaisir. Les gens font même la queue rien que pour ça. La seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant, c'est la guerre économique. Si ce n'était pas la guerre, on pourrait franchement croire que c'est la paix. Mais la guerre, c'est la guerre. Et on est tenu à certaines choses qu'avant, on aurait seulement voulu. Il y en a une qui t'a un peu ratée. Oui. C'est celle avec Pinochet. Oui, c'est ça. Dans le même numéro de Die Fackel contenant les extraits de la troisième nuit de Walpurgis, Kraus renie la social-démocratie autrichienne et prend parti pour le chancelier fédéral d'Autriche, Engelbert Dollfuss, comme seul rempart possible contre les nazis. Celui-ci vient de prendre le pouvoir par la force et sera assassiné par les nazis en juillet. Ce dernier positionnement de Kraus ne lui sera pas pour autant pardonné, et de la troisième nuit de Walpurgis, la postérité ne retiendra longtemps que la première phrase, toute d'ironie, à propos d'Hitler, « Je ne trouve rien à dire ». 1935, Kraus organise une dernière soirée de lecture publique, il contracte une maladie cardiaque, et en 1936, dernière parution de Die Fackel, et en traversant la rue, Kraus est renversé par un cycliste. Son état de santé décline et il meurt le 12 juillet. Alors, je ne sais pas si d'envisager de critiquer à l'avance Pro Vélo pour cette démonstration finale. C'est vraiment un beau happening. Bon, sur Dollfuss, bon, si les nazis l'ont assassiné, ça veut dire qu'il n'avait pas totalement tort. Parce que, de toute façon, bon, c'est clair que la social-démocratie autrichienne était incapable de résister aux nazis. En même temps, bon, de toute façon, l'Anschluss a été faite, vu la puissance militaire de l'Allemagne, bon. Mais bon, ça, disons que ça veut dire qu'il était quand même conscient d'une situation totalement désespérée pour l'Autriche. Donc, et que voilà, dans ce contexte-là, un homme fort qui serait un équivalent autrichien, enfin ne s'entendant pas avec Hitler et défendant les intérêts de l'Autriche contre Hitler, c'est tout ce qui lui restait comme carte. Bon, elle était pourrie, hein. Mais de toute façon, ça n'a pas de. Si on en parle tant, c'est effectivement que ceux qui ont remplacé les intellectuels qu'il critiquait après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte en plus de pas très grande dénazification, donc les milieux intellectuels, j'en sais rien, mais milieu économique, pas du tout. Bon, Karl Kraus restait quelqu'un à battre, quoi. Et effectivement, il y a plein de spécialistes, de pseudo-spécialistes, qui martèlent encore aujourd'hui que Karl Kraus n'avait rien à dire sur le fascisme. Alors, comme dit Pierre Desus dans l'introduction à sa traduction de la troisième nuit de Valpurgis, qu'on ne le dise pas, on ne savait pas, puisque tout est déjà raconté en 33. L'essentiel est déjà raconté par Karl Kraus. Les représentants de la presse qui ont pu se convaincre du caractère exemplaire des installations n'ont bien sûr pas eu le loisir d'assister à ce genre de mesures prises uniquement dans des cas extrêmes, tout comme ils n'ont pas eu l'occasion d'assister à d'autres exercices de nature plus interne. En revanche, ils ont eu le droit, après avoir goûté à la cuisine de l'établissement, d'être les témoins de la libération de quelques prisonniers. Mais à quoi bon ? Ils reviennent, de toute façon. Peu avant sa mise en faillite, le Berliner Tageblatt peut publier cette sensationnelle nouvelle. Un nombre assez important de jeunes gens qui avaient été remis en liberté sont revenus de leur plein gré et ont demandé à ce qu'on continue à les occuper. La liberté. Ils s'en moquent depuis qu'ils connaissent la prison et qu'ils ont appris à l'apprécier. Si l'on a déjà été capable d'imaginer que ce genre de camp sert davantage, vu son aménagement, au concentrement qu'au divertissement, on a aussi appris que, vu l'instauration d'un service religieux et d'instruction civique, il peut être comparé, vu aussi son règlement intérieur, à un internat. On a officiellement annoncé que, en vertu des directives en vigueur, il s'agit de véritables instituts d'éducation. Et il était du devoir de la presse de rendre compte de ce facteur pédagogique. Car du point de vue de la politique intérieure, la question importante est surtout de savoir si on accomplit un travail d'éducation dans ces camps. Et comment ? D'après ce que nous savons, on peut répondre sans la moindre restriction par l'affirmative. Note la presse, qui aurait peut-être malgré tout décelé pour elle-même une certaine restriction. C'est la raison pour laquelle elle choisit la simple définition « Le camp de concentration est une limitation momentanée de la liberté avec but éducatif ». Mais on peut aussi dire à plus d'un titre qu'il s'agit d'une régénération psychologique. Oui, il faut le dire. À Dachau, on a même pu constater que les communistes, qui arrivaient dans le camp, butés et crispés, retrouvaient après quelque temps passé là-bas le plaisir de chanter de bonnes chansons patriotiques. La plus appréciée étant sans doute « Ich hatte einen Kameraden ». Bref, les souvenirs patriotiques prennent la haute main si celle-ci n'est pas occupée ailleurs. Et aujourd'hui, les communistes sont devenus très différents de ce qu'ils étaient à leur arrivée. Alors que ceux qui sont fraîchement débarqués sont bougons, coriaces et aigris. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils sont encore frais quand ils débarquent et deviennent coriaces ensuite. Non, c'est le contraire. Après une cure d'éducation, même ceux-ci ne tarderont pas, au bout de quelque temps, à devenir d'autres hommes. Parfois, une journée suffit. Évidemment, ils ne peuvent rien dire eux-mêmes à ce sujet, primo parce qu'ils n'en ont pas le droit, et secondo parce que la métamorphose psychique qui se produit d'un coup s'accompagne assez fréquemment de pertes de conscience ou de troubles de la mémoire, et que l'étonnement face à toutes ces choses dont on n'a pas l'habitude peut aussi entraîner des troubles de la parole. Mais il suffit d'entendre ce que disent les représentants de la presse. Ils ont la très nette impression que dans ce domaine aussi, l'Allemagne n'a rien à cacher et que les prisonniers ne peuvent se plaindre de rien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et parfois la meilleure des tombes. Chaque chose en son temps. Réveil à 5h30. On fait les lits jusqu'à 6h. Certes, ils ne sont faits que de paille. La chose est indéniable. Mais elle est changée au moins une fois par semaine. 6h, présentation en rang, jusqu'à 6h30, dégazage et aération. L'hygiène ne laisse pas à désirer. Service du travail, exercice, coup de clairon, 9h. Tout cela remplit bien la journée. Le cours d'éducation, assorti de coups d'un autre genre, prend sa place au milieu de ses activités. L'éducation civique se fait sur la base de Mein Kampf. Ici, au moins, il y a de l'ordre. Alors qu'à l'extérieur, en liberté, tout va à volo. Chacun est guide et guidé dans le même temps, et fait de son propre chef ce qui se passe dans ce chef. Là, l'homme est confronté à l'irrationnel. Ici, il y a des surveillants. Ici, on veut éduquer les hésitants pour en faire de nouveau des membres à part entière de la communauté humaine, alors que là-bas, c'est le règne de son rebut. vu que de ce fait, Dachau, Durgoï et Sonnenburg ne sont pas seulement assimilables à des internats, mais ont carrément rang de sanatorium, même si l'on vise davantage le mensana, on a décidé d'établir une taxe pour les avantages que l'État accorde aux patients en leur procurant de telles installations, dont la charge incomberait sinon à la communauté. Il ne permet pas qu'on puisse dire qu'on ne savait pas, quoi. Oui. Alors que c'est un argument qui est quand même facile à, pour gommer pas mal de choses qui se sont passées quand même pendant 10 ans de montée du nazisme, où partout sur la scène européenne et même parfois en Allemagne, dans le voisinage immédiat des camps, on est censé ne rien avoir vu et de ne rien avoir compris de ce qui était en train de se passer. Or c'était écrit dans la presse, comme il le montre, et il le montrait, quoi. Ceux qui n'ont rien compris, c'est ceux qui ont le monopole de dire ce qui est et de représenter la société. Et donc, voilà, aujourd'hui, on peut dire que effectivement, ceux-là sont anti-nazis, mais un peu tard. Hein, parce que reconnaître un nazi aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui se promène avec une croix gammée et qui fait à Hitler, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, aller voir le Drangner Osten allemand sur les anciennes démocraties populaires, sur la Grèce, la politique france-africaine de la France et l'exploitation de l'Afrique. Enfin, voir ce qui est l'équivalent en termes d'horreur et aussi d'engrenage de puissance pouvant mener à des choses extrêmement désagréables à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, ce serait utile. Mais les mêmes qui font profession d'antinazisme traite les gens qui sont comment ils appellent ça, eurosceptiques, hein. Alors les eurosceptiques, donc les gens qui voient à peu près ce que fait l'Europe de façon à peu près réaliste, ils les traitent d'antisémites, hein. D'antisémites, de nationalistes. Le problème du racisme, c'est le problème, et du nationalisme, c'est le problème des années 30, alors que ça n'a strictement rien à voir, que les causes sont à chercher ailleurs. Et ce faisant, ils jouent leur rôle, ben voilà, des intellectuels idéalistes qui travestissent la vérité et la réalité, et qui flinguent ceux qui, au prix de la difficulté de supporter la vision de ces horreurs au point d'être suffisamment masochiste pour aller les voir, essaient d'alerter, de faire ce miroir, quoi, faire ce miroir. Et bon, il est flingue. Oui, en fait, il suffit de se projeter un petit peu, mettons, dans un monde idéal qui se passerait dans 15 ans, quoi, où après la Troisième Guerre mondiale, il y aurait des gens pour dire comment on enfermait les gens dans des camps et ensuite on les déportait de façon forcée vers des pays où ils étaient menacés. Parce que ils étaient des dissidents politiques, ou ils étaient menacés simplement parce que on les laissait croupir dans une misère noire. Et là, il y aura forcément des gens pour dire mais non, on savait pas que. Mais en fait, c'est là, et on sait. On savait pas que 55 000 Belges allaient être virés du chômage. On n'était pas au courant que ça va faire des épidémies en Grèce à partir du moment où plus personne n'a accès à la santé. On n'était pas au courant que les cancéreux, les cardiaques privés de leur traitement allaient mourir. On n'est pas au courant. On n'était pas au courant que tout ça allait finir par dégénérer en fascisme en Grèce et ailleurs. On n'était pas au courant. Mais non, il fallait tellement d'imagination pour ça. Le représentant de la Troïka. Flexibilisation, activation, et allez, bon pour le service, quoi. On n'a rien de plus, il n'y a rien d'autre. On n'y peut rien. L'industriel, au bras duquel pend un fouet à chien. Tant que c'est possible, j'essaye la douceur, montrant le fouet. Mais comment s'en sortir si ces chiens de syndicalistes n'arrêtent pas leurs provocations? Débat sur la situation des travailleurs, problème de rémunération. Comment tenir bon, nous autres, dans ces conditions? Statut juridique et conditions de travail, refonte du droit du travail en temps d'austérité. Le représentant de la Troïka. Je connais la chanson. Bon pour le pacte pour l'emploi. Et si possible, messieurs les députés, avec. De toute façon, on a extirpé tout ce qu'on pouvait de la loi de modernisation sociale et de la loi sur la représentativité syndicale. On n'a aucun reproche à se faire. Le plus beau, ça a été en août 2012, avec les métallos et les fonctionnaires. Le matin, ils gagnaient 1 000 euros. À midi, ils passaient devant la Troïka. on leur a gentiment appris que les conventions collectives d'avant 1914 étaient abolies, et l'après-midi, ils faisaient gentiment le même travail, au même poste, pour ce qui était autrefois le minimum vital garanti. Aucun à moufter. Moi je dis, au fond, le dialogue social est superflu. L'industriel. À mon sens, on aurait dû faire partout comme en Grèce. On leur dit tout simplement, à partir de maintenant, vous êtes recrutés pour la défense de l'euro et vous ne toucherez plus que le salaire serbe. L'industriel. Ah d'accord. Le représentant de la Troïka. Un jour, ils se sont plaints. Augmentation des cadences ou quelque chose comme ça. Je les ai convoqués au rapport et leur ai demandé qui les avait informés. Le gars répond. Nous sommes des ouvriers syndiqués, nous nous sommes adressés à nos organisations et ils nous ont renvoyés vers deux députés. Bon, je dis, je vais faire venir ces messieurs. Ils vont se mettre à vos côtés et travailler au lieu de vous exciter. L'industriel. Moi, un jour, ils se sont plaints auprès du syndicat pour mauvais traitement et paye insuffisante. Écoutez, 38 à 60 centimes de l'heure. Bon, j'ai fait venir un des meneurs et je lui dis, vous vous êtes plaints, mais le fouet est toujours là. Et je lui montre mon bras. Le gars dit, nous ne sommes pas des chiens. Bon, alors, je lui montre mon étui à revolver et je lui dis, et pour vous, en plus, j'ai un revolver. Alors, il a parlé de dignité humaine, quelque chose comme ça. Eh bien, ce gars est quand même arrivé à faire dire au bureau des doléances que les salaires étaient insuffisants. Le représentant de la Troïka. Celui-là, il a été immédiatement... L'industriel. Oui, oui, oui, bien sûr. Il a été licencié sur le champ. Votre prédécesseur était très coulant sur la question. Un gars qui s'est plaint lui aussi d'un salaire trop bas. Je l'ai humilié et votre prédécesseur, pour ça, il lui a sucré 3 mois d'allocation familiale. Le représentant de la Troïka. L'entrepreneur, de nos jours, n'est pas totalement dépourvu de protection. Maintenant, les DRH veillent au grain, eux aussi. Ils foutent pas mal de retenue sur salaire. Pour la production, j'avais prévu 6 heures d'heures supplémentaires tous les jours. Et quand on les ramène du travail baïonnette au canon, à travers les rues, ça fait un bel exemple. Pas de douche avant, on leur tond les cheveux, même si on n'écope que de 24 heures d'intérim, on retient les frais de pension sur le salaire. Ne serait-ce que d'aller de l'agence au turbin, ils perdent une demi-journée de salaire, sans compter le manque à gagner quand ils sont au chômage technique et ce genre de plaisanterie. Et le plus important, même si ça s'applique qu'aux cas les plus graves, c'est l'activation. Là, pas un de ces messieurs n'a eu à se plaindre. L'industriel. Écoutez, je n'ai rien dit, moi. Je suis connu pour me venir embêter les autorités européennes qu'en cas d'extrême urgence. Je préfère m'en remettre à moi-même. Moi, je dis... Tant que ça peut se passer en douceur, il montre le fouet à chien. C'était Karl Kraus avec nous, avec les voix de Virginie Debosch, Claire-Marie Hartmann, Benoît Eugène, Karl Kraus, Patrick Taliercio. Merci à Karl Kraus d'avoir existé. Merci à Pierre Dechus d'avoir traduit Les derniers jours de l'humanité et La troisième nuit de Walpurgis. Merci aux travailleurs des éditions Agon d'avoir publié ces deux textes. Merci à leur patron aussi, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et un merci tout particulier à Claire et Virginie pour s'être prêtés au jeu, et aussi à Elliot d'avoir patienté pendant le jeu. À bientôt!